الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد Voici deux fatwas de l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, au sujet des frères musulmans. La première fatwa, la question. Votre éminent cheikh, le groupe des frères musulmans est entré au royaume depuis un certain temps et il a maintenant une activité parmi les apprenants de science. Que pensez-vous de ce groupe? Et est-ce qu'il est conforme à la méthodologie des gens de la sunna et du groupe? La réponse du cheikh, rahimahullah. Le groupe des frères musulmans est critiqué de la part des gens de science les plus spécialisés, parce qu'il n'a pas une activité dans l'appel au monothéisme d'Allah, ni dans l'interdiction de l'associationnisme, al-shirk, non plus que dans l'interdiction des innovations, al-bida'. Ils ont des styles particuliers. Ce qui leur manque, c'est qu'ils n'ont pas d'activité dans l'appel à Allah. Ils n'orientent pas vers la bonne croyance, qui est celle des gens de la sunna et du groupe, al-sunna wal-jama'a. Donc, il est du devoir des frères musulmans de s'intéresser à la da'wa au tawhid d'Allah, d'interdire les adorations des tombes et l'attachement aux morts, ou leur demander secours, comme d'interpeller al-Hussein, ou bien al-Badawi, ou des gens de ce genre. Voilà ce que je voulais dire. La source de cette fatwa du Cheikh Rahimallah fut publiée dans la revue Al-Majalla, numéro 806. La deuxième fatwa du Cheikh Rahimallah Ta'ala. La question. La parole du prophète concernant la subdivision des communautés, à savoir son hadith où il y a « Et ma communauté sera subdivisée en 73 sectes, toutes sont au feu » sauf une. Est-ce que le groupe de Tablir, Firqat al-Tablir, pour ce qu'ils ont de shirk, associationnisme, et de bid'ah, innovation, et le groupe des frères musulmans, Hizb al-Ikhwan al-Muslimoun, pour ce qu'ils ont de sectarisme, tahazzub, de rébellion contre les gouverneurs, et leur manquement à l'entendement et à l'obéissance, est-ce que ces deux sectes font partie des groupes perdants? La réponse du Cheikh Rahimallah. Il entre dans les 72. Celui qui déroge à la croyance, à Aqida, des gens de la Sunna, rejoint les 72. Ce qu'il veut dire par Ummati, ma communauté, c'est la communauté ayant répondu à l'appel de l'islam, Ummat Ijaba. C'est-à-dire qu'ils avaient répondu par l'affirmative, avaient montré leur affiliation à l'islam. Ce sont 73. La secte sauvée correcte est celle ayant suivi et s'étant astreinte à être droite sur sa religion, son dîn. Et 72 sectes comprennent le mécréant, le pervers et l'innovateur. Ce sont des types. Note du traducteur, le mécréant aura le feu perpétuel. Le pervers et l'innovateur sont sous la menace al-wa'id. Mais, s'ils entrent au feu, ils n'y demeurent pas à perpétuité. Notons bien aussi qu'il est incorrect de penser que les mécréants de base, Al-Kuffar Al-Asriyoun, composent les 72 sectes de l'islam, mais plutôt uniquement ici ceux qui se disent musulmans et qui contractent soit des actes de mécréance et d'associationnisme, soit des actes d'innovation. Les mécréants de base sont en dehors de la umma, de la communauté ayant répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit ici, ummati, c'est la communauté ayant répondu à l'appel, non pas seulement la umma de l'appel, ummat al-da'wa, à laquelle il fut envoyé. Le questionneur demanda encore au cheikh, cela veut dire que ces deux sectes, c'est-à-dire Tablir et l'Ikhwan, sont parmi les 72, le Cheikh, oui, c'est parmi les 72, ainsi que les Murji'ites. Quant aux Khawarij, certains gens de science considèrent qu'ils sont des mécréants, kuffar, en dehors. Cependant, ils font partie de la généralité des 72. Source de cette fatwa, un cours du Cheikh dans l'explication de Al-Muntaqa, à Taif, c'était à deux années avant la mort du Cheikh Rahimallah, Et c'est une fatwa publiée également dans la revue Salafi, Al-Majalla Salafiya, numéro 46, 1422 de l'Égypte.